Chapitre 13. Puis je vis une bête qui sortait de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes, et un nom insultant pour Dieu était inscrit sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme les pattes d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et son grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait avoir été blessée à mort, mais la blessure mortelle avait été guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent également la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» La bête fut autorisée à prononcer des paroles orgueilleuses et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à parler contre Dieu, à insulter son nom et le lieu où il demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre les membres du peuple de Dieu et à les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire tous ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis le commencement du monde dans le livre de la vie, le livre qui appartient à l'agneau mis à mort. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Celui qui est destiné à être prisonnier sera certainement emmené prisonnier. Celui qui est destiné à être tué par l'épée sera certainement tué par l'épée. Voilà pourquoi les membres du peuple de Dieu doivent faire preuve de patience et de foi. Puis je vis une autre bête qui sortait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à des cornes d'agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle utilisait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette deuxième bête accomplissait de grands miracles. Elle faisait descendre le feu du ciel sur la terre en présence de tous les hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle était autorisée à accomplir en présence de la première bête. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait pourtant. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de vie à l'image de la première bête, afin que cette image se mette à parler et qu'elle puisse mettre à mort tous ceux qui ne l'adoreraient pas. La bête obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. C'est ici qu'il s'agit de faire preuve de sagesse. Celui qui est intelligent peut résoudre le problème posé par le chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Son chiffre est 666.